pas connu Jésus, sur que je m'aurais senti perdue. Car quand tu m'as quitté, le seul qui m'a aidé, c'est notre voisin du dessus, c'est Jésus. Si j'aurais pas connu Jésus, ma vie aurait été foutue. Celui qui m'a conseillé, celui qui m'a montré le chemin du salut, c'est Jésus. Les solitaires, les déracinés, les traits de misère, les abandonnés, les laissés pour compte, tous les morts de honte, ceux qui n'ont plus rien à espérer, les pauvres hères, les désorientés, les Black Panthers, les traumatisés, ceux que la vie dégoûte, il faut qu'ils m'écoutent, c'est Jésus qu'il leur faut aimer. Si j'aurais pas connu Jésus, sûr que je m'aurais senti perdu. Car quand tu m'as quitté, le seul qui m'a aidé, c'est notre voisin du dessus, c'est Jésus. Si j'aurais pas connu Jésus, ma vie aurait été foutue. Celui qui m'a conseillé, celui qui m'a montré le chemin du salut, c'est Jésus. Les filles de peine, les stigmatisées, les schizophrènes, les épouvantées, les laissés pour compte, tous les morts de honte, ceux qui n'ont plus rien à espérer, les érogènes, les dénaturés, les indigènes, les désemparés, ceux que la vie dégoûte, il faut qu'ils m'écoutent, c'est Jésus qu'il leur faut aimer.